C'est un peu de mon sang pour t'écrire ma toute belle. Y a plus d'encre dans les baraquements, même au fond des poubelles. Je préfère me saigner à blanc pour que t'aies des nouvelles qu'engraisser un président rose comme une chevancelle. C'est le tien Manon pour chasser la trouille dans le bidon. Je pense au nez de ton corps si doux, à tes jambes pendues à mon cou. Ma langue sur ton bouton de rose, les lèvres de ta bouche éclosent, le frisson sur ton dos nu, ça me tient chaud, sais-tu. Ce rouge sur tes mains, petit soldat. C'est quoi ce sourire en coin dans le combat? C'est quoi ce rouge sur tes mains, petit soldat? C'est quoi ce sourire en coin dans le combat? Ce n'est pas mon sang, ni celui de mon adjudant. Y a pas de trêve dans les combats, ce matin pour la première fois. J'ai tué un homme en face, sa peur sentait la menace. Sa vie a giclé sur moi et j'entends toujours sa voix. Sourire, ce n'est plus le tien. Je t'avoue, je t'oublie, ma belle. Je rêve plus trop de tes mains, nos deux cœurs dans une balancelle. Tu me reconnaîtrais plus, tu sais. Je ressemble à mort en sursis. Ma tête est pleine de cris. J'ai plus de place pour les ce sourire en coin dans le combat. C'est quoi ce rouge sur tes mains, petit soldat? C'est quoi ce sourire en coin dans le combat? T'as du sang sur les mains, petit soldat. Un pauvre sourire de dans le combat, pas du sang sur les mains, petit soldat. Un pauvre sourire de pifin dans le combat, t'as du sang.